Cette semaine, Affaires Sensibles, la fiction vous propose une série en 5 épisodes intitulée Suspicion. Fiction écrite par François Lissiani, réalisée par Cédric Ossire, coordination Christophe Barrère. L'émission d'aujourd'hui vous propose le premier épisode d'une série de fiction adaptée du livre de la journaliste Caroline Michel Aguirre intitulé La syndicaliste, paru en 2019 aux éditions Stock. C'est une histoire dont vous n'avez peut-être, voire sans doute, jamais entendu parler et derrière laquelle, pourtant, se cache un incroyable thriller et un scandale d'État. De mardi jusqu'à vendredi, tous les après-midi, avec les 5 épisodes de la série, nous allons nous plonger dans cette enquête. Tout commence le 17 décembre 2012. Ce jour-là, une femme est retrouvée chez elle, prostrée sur une chaise. Elle a les mains ligotées dans le dos, du scotch sur la bouche, ses collants baissés au niveau de ses mollets et le manche d'un couteau enfoncé dans le vagin. Sur son ventre, on découvre la lettre A, tracée par un objet tranchant. La victime, c'est Maureen Kerney, syndicaliste chez le géant français du nucléaire, Areva. Or, dans les mois qui précèdent cet épisode, elle menait une bataille acharnée pour dénoncer un accord industriel secret qui allait porter préjudice aux emplois de son entreprise et aux intérêts stratégiques de la France. La syndicaliste se savait surveillée. Elle avait déjà reçu des menaces. C'est donc une immersion dans les coulisses parfois violentes de la France industrielle que propose cette histoire, ses secrets, ses manigances et ses coups bas. Quant à l'agression de la syndicaliste, elle va connaître un surprenant rebondissement judiciaire qui témoigne sans doute des enjeux et des pressions autour de ce dossier avant qu'enfin la vérité éclate au grand jour et que l'honneur de cette femme lui soit rendu. Voilà, reste le traumatisme humain. Notre invité aujourd'hui, Maureen Kerney elle-même, le personnage central de cette histoire. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Suspicion, une série de François Luciani, d'après La syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Réalisation, Cédric Ossire. Premier épisode, l'agression. Gendarmerie nationale, bonjour. Allô? Allô, vous m'entendez? Je suis là, madame Maureen. Bonjour. Gendarmerie, bonjour, je vous écoute. Bonjour, madame, voilà. Je suis venue chez une dame faire du ménage et quand je suis arrivée chez cette dame, elle était dégotée sur un siège avec du scotch sur la bouche et puis un bonnet sur la tête qui me couvrait les yeux. Un bonnet sur les yeux? Est-ce qu'elle est blessée, cette dame? Elle avait comme un triangle noir sur le ventre et puis un couteau dans le vagin. Comment? Il y avait un couteau enfoncé dans son vagin. Elle avait un couteau enfoncé dans son vagin. Voilà, voilà, oui, oui. Madame, restez calme, s'il vous plaît. On vous envoie les pompiers. Quel est votre nom? Où êtes-vous? Je suis chez la dame, dans sa maison, à Montfargy. Capitaine, appelez la caserne. Okay. Allô? Donc, allô? Là, actuellement, elle a un couteau dans le vagin? Oui. Je vais tirer, parce qu'il était enfoncé. Je vais tirer le couteau avec un torchon. Dans le vagin, mais elle saigne, la dame? Non, elle saigne pas. Elle saigne pas du tout, non, mais... Parce que... Le couteau, ce n'était pas avec la lame. La lame, vous voyez, c'était dans l'autre sens, avec le manche qu'il était enfoncé. Mais est-ce qu'elle est consciente, cette dame? Oui, j'ai vu des corniches à côté d'elle. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous dire à quelle heure ça s'est passé? C'est passé à quelle heure, Maureen? 7 heures? Allô? 7 heures du matin? Apparemment, elle était en train de se laver les dents. C'est quelqu'un qui est rentré. Est-ce qu'elle peut dire combien il y avait d'individus? Combien de personnes, Maureen? Elle pense que c'est une personne. C'était une personne qui était cagoulée? Mais elle n'a rien vu parce qu'on lui avait mis un bonnet sur la tête. Du coup, elle a... Elle n'a pas vu grand-chose. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait, Maureen? Elle ne sait pas. Elle était en état de choc, quand même. Parce que depuis 6 heures du matin, je suis arrivée à 14 heures. Vous comprenez ? Six heures pleines se sont écoulées avec cette chose enfoncée en moi. Je voudrais écrire ce mot, terreur. La terreur qui, à ce moment-là, s'est emparée de mon esprit et de mon corps. C'est étrange. Non, je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je ne me débats pas. Je ne lutte pas. J'attends. Je hurle en moi-même. Mais je ne suis plus là. Je me regarde d'en haut. Ce corps, le mien, ne m'appartient plus. Je n'en veux plus. Je ne sens plus rien. Je ne bouge plus. Peut-être que je suis vivante, peut-être morte. La télévision allumée résonne dans ma tête. Il est parti. L'horloge du salon compte les minutes, les secondes. La grande aiguille sonne les quarts d'heure, les demi-heures. Reste son odeur, un parfum bon marché. Le genre de truc pour homme qu'on trouve partout en grande surface. Crasseux. Il sent le vieux. Juste une douleur intense à l'épaule. Je suis vivante. Mon corps ne m'appartient plus. J'abandonne. Au Fargis, domicile de Maureen Kerney. Quand je suis arrivée, elle était là, comme ça, attachée sur la chaise. J'ai cru qu'elle était morte. Il y avait personne dans la maison ? Non, personne. À part le chien. Capitaine, on a mis les éléments sous scellés. Ok, envoyez tout ça au labo. Même le scotch ? Oui, tout, même le scotch, bien sûr, même le scotch. Qu'est-ce que vous attendez ? On a déjà le couteau, le bonnet. Vous, je veux les résultats des analyses ADN dans la journée. Je préviens le commandement. Merci, madame. Merci, monsieur. J'ai été transportée à l'hôpital en urgence. Ils m'ont placée en observation. Ils m'ont donné des médicaments pour dormir. Le soir même, j'ai été interrogée par les gendarmes. Que s'est-il passé exactement, madame ? Ils étaient combien ? Je vous l'ai dit, j'étais en train de me brosser les dents en bas dans la salle de bain. Un homme est arrivé par derrière et il m'a mis quelque chose de noir sur la tête après... Je sais pas. Vous ne savez pas, vous ne vous souvenez de rien, vous l'avez pas vu, ni même aperçu ? Non, j'ai pas eu le temps. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un rôdeur ? Non, je crois pas. Est-ce que vous connaissez une personne en particulier dans votre entourage qui pourrait vous en vouloir à ce point ? Non, personne. Alors pourquoi ce A sur votre ventre ? Sûrement à cause de mon travail. Votre travail ? Oui, je travaille chez Areva, dans le nucléaire. Oui, et alors ? A, comme Areva. Que voulez-vous dire ? Je suis une élue de la CFDT. J'ai accès à des dossiers importants qui concernent mon entreprise et le personnel qui en dépend, alors... Alors quoi ? Je sais pas. On cherche peut-être à me faire peur ou à me faire taire. Vous pensez qu'on voudrait vous faire peur ? Oui, peut-être. Mais qui ? Je sais pas. Cet homme est entré chez moi, il m'a dit c'est le deuxième avertissement, il n'y en aura pas de troisième. C'est tout ce que je sais. Vous pourriez reconnaître sa voix ? Peut-être. Oui ou non ? Peut-être. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à vous suivre, madame. Vous nous dites que vous n'avez vu personne, que personne ne vous en veut dans votre entourage. Vous supposez qu'on voudrait peut-être vous faire peur en raison de votre engagement syndical. Mais vous ne nous donnez aucune piste sur votre agresseur, aucun signalement. Il va falloir nous aider, madame. Je vous assure, j'en sais pas plus. Très bien. Très bien, madame, reposez-vous, et puis nous nous reverrons dans les prochains jours. Nous aurons sans doute d'autres questions à vous poser. Une enquête de flagrance a été ouverte. Flagrance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'une infraction dite flagrante est susceptible d'être punie d'une peine d'emprisonnement, en vertu de l'article 67 du Code de procédure pénale, une enquête de flagrance peut être ouverte. C'est la loi, madame. Tous les éléments de l'enquête seront transmis au procureur de la République. Faites comme vous voudrez. Les heures passaient. Et tout devenait flou. Je sentais une présence insistante autour de mon lit. On épiait le moindre de mes gestes, le moindre souvenir. On surveillait mon emploi du temps à la minute près. Je savais que le ministre de l'Intérieur avait été prévenu, que cette affaire prenait un tour bizarre. La pression devenait de plus en plus forte sur moi, sur ma famille. Ils ont même interrogé Gilles, mon mari, qui n'avait pourtant rien à voir là-dedans. Monsieur Hugo, vous vivez ici avec votre épouse depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Vous connaissez bien ses habitudes ? Oui, bien sûr. Vous ne voyez personne qui aurait pu en vouloir à votre épouse au point de lui infliger un tel acte de barbarie ? Non. Votre femme est de santé fragile, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Elle a fait une dépression, il y a 25 ans, à la suite d'un problème avec notre fils. Elle s'en est remise, rien de plus. À la suite de cette dépression, comme vous dites, croyez-vous qu'elle pourrait avoir une certaine tendance à fabuler ? Maureen ? Bon, non, je ne le crois pas. Vraiment pas, madame. J'ai été examinée par plusieurs médecins. D'abord une généraliste, puis un gynécologue et un psychiatre. Le plus dur, ça a été le gynécologue. Il cherchait des traces sur mon ventre, dans mon vagin. Allongez-vous, madame. Détendez-vous. Tout cela est-il bien nécessaire, docteur ? Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis là pour vous aider. Cet examen est-il vraiment obligatoire ? Oui, madame. Il nous faut vérifier s'il n'y a pas de lésion ou de plaie. Ce ne sera pas long, je vous assure. Je me suis allongée sur la table d'examen. J'ai écarté les jambes et il m'a auscultée, sans précaution particulière. Détendez-vous, madame. Versailles. Vous y croyez, vous, à son histoire ? Gendarmerie nationale. 6 heures avec un couteau dans le ventre, quand même. C'est pas rien. Justement, ça me paraît louche. Vous êtes sérieuse, là ? Elle se brossait les dents. Un type par derrière qui rentre dans sa salle de bain et lui met un bonnet sur les yeux. Ni vu ni connu, on sait pas pourquoi, ni comment. C'est soi-disant dossier hypersensible. Alors pourquoi pas secret défense, tant qu'on y est ? Ça ressemble à un mauvais scénario de série télé. Franchement, vous croyez pas que vous exagérez ? Elle est en état de choc. C'est normal si elle s'embrouille. Pour moi, elle se prend pour la reine d'Angleterre. Vous déconnez complètement. Mais tout ça me paraît bizarre. Pas net. Ce qui est bizarre, c'est votre façon de toujours transformer les victimes en coupables. Cette femme a été violée, chez elle, par un salaud. Ça vous suffit pas ? C'est ce qu'elle dit, oui. Ce type se balade dans la nature et nous, on est là à discuter sans rien faire, au lieu de courir après. Vous trouvez ça beau ? Vous savez, les femmes, parfois... Quoi, les femmes ? Arrivées à un certain âge... Et ? Alors ? C'est capable de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Rien. Je regarde toutes les pistes. Vous croyez qu'elle aurait tout inventé, c'est ça ? J'en sais rien. N'importe quoi. Peut-être, mais... Moi, j'ai un doute. Un doute de chez doute. C'était pas la première fois. J'avais déjà reçu des menaces. Quand ils ont voulu s'attaquer à Areva en 2009, l'année où Nicolas Sarkozy a nommé Henri Proglio à la tête d'EDF, j'ai défendu mon entreprise avec mes collègues de la CFDT. J'étais en première ligne. J'étais la secrétaire générale du comité de groupe européen, la plus haute représentante des salariés d'Areva. J'ai reçu toutes sortes de messages anonymes. Mêle-toi de tes affaires, retourne chez toi. Ici, on est chez nous. J'ai toujours vécu dans le stress, mais j'ai tenu bon. Aujourd'hui, c'est la peur. J'ai du nouveau, capitaine. Je vous écoute. Le pré-rapport ADN indique peu de traces autres que celles de la famille. Aucune trace de l'agresseur. Tout est là. Faites voir. Il n'y a que ses traces à elle et celles de son mari. Personne d'autre. Aucune trace ADN extérieure. Qu'est-ce que vous en dites ? Aucune trace ADN extérieure. Vous êtes sûr ? Oui. Tout ce qui a servi, le couteau, la chaise, le sparadrap, c'était bien à elle. Il n'y a aucune autre trace que les siennes. Versailles. Centre hospitalier André Mignot. Bon, Madame Carnet, on va devoir tout reprendre à zéro. Mais je comprends pas, je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Vous voyez bien que je suis fatiguée. Je sais, madame, mais c'est important pour l'enquête. Ici, on m'a bourré de calme. Madame, je récapitule. Vous êtes née le 17 juillet 1955 à Londres, de parents irlandais. Vous êtes de nationalité irlandaise. Vous avez fait vos études secondaires à Dublin et vos études universitaires à Cork, dans le sud de la République catholique d'Irlande, et à Aix-en-Provence. Vous avez obtenu un master de langue moderne et vous avez travaillé comme professeur d'anglais, c'est bien ça? Vous êtes venu jusque-là pour me demander tout ça? Des choses que vous savez déjà? Nous avons besoin d'y voir clair, madame. Obtenir des certitudes. Vous comprenez? Des certitudes? Vous avez rencontré votre mari, monsieur Gilles Hugo, en 1981, et vous êtes venu vous installer en France en 1983. De 1983 à 86, vous avez travaillé comme attaché de presse pour une maison de disques. En 1986, vous avez été recruté comme professeur d'anglais à la SGN, une filiale pour les cadres d'Areva. Puis, en parallèle de votre activité d'enseignante, vous avez été élu secrétaire général du comité européen, en tant que responsable CFDT, représentante élue du personnel d'Areva. C'est bien ça? Oui. Vous avez rencontré des problèmes de santé. Le rapport du médecin psychiatre indique que vous avez eu à souffrir dans le passé d'une dépression nerveuse. C'est exact? J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie. Oui, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune. Et maintenant, vous vous considérez comme guérie? C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est du passé. Vraiment? Je vous dis que je m'en suis remise. Oui, mais les médecins vous considèrent encore comme quelqu'un de fragile. Où voulez-vous en venir, monsieur? Le problème, voyez-vous, c'est que le rapport du médecin gynécologue indique, je cite, « Sauf en état de sidération psychologique, il est surprenant que le couteau n'ait pas été expulsé du vagin et ait pu rester in situ pendant plus de 5 heures. » Pardonnez-moi de vous poser à nouveau la question, madame, mais comment expliquez-vous ce rapport médical? Je ne sais pas. Je comprends pas. Je me souviens pas. Je reconnais que tout cela est difficile pour vous, madame. Mais cela me conduit à m'interroger. Vous pensez que je mens? Non, madame. Mais voyez-vous, dans ce dossier, c'est délicat. Pour retrouver votre agresseur, nous ne devons rien laisser au hasard. Vous comprenez? Rien. Aucun détail. Même le plus infime. D'accord. Vous faites votre travail. J'espère que je ne vous blesse pas. Je vous comprends, c'est tout. Heureusement, vous avez une famille qui vous soutient dans ces moments pénibles. Oui, c'est une chance. Je l'avoue, parfois, dans tout cela, je m'y perds. Maria, votre femme de ménage indique dans sa déposition que vous avez un chien. Est-ce exact? Oui, Cacao. C'est un vieux golden retriever, doux comme un agneau. On l'adore. Et durant l'agression, il n'a pas aboyé? Non. C'est étrange, vous ne trouvez pas, pour un animal si proche de ses maîtres? Il est aveugle et sourd. Vous souhaitez consulter le carnet de santé de notre vétérinaire? Non. Ça ira. Vous avez d'autres questions? Ce sera tout. Pour aujourd'hui, madame. Je vous remercie. J'en étais convaincue. Tout cela était lié avec ce qui se tramait entre EDF, Areva et la Guangdong Nuclear Power Holding, le géant chinois du nucléaire. Mais comment pouvais-je lui faire comprendre? Comment pouvais-je lui dire les termes de ma rencontre de décembre 2011 avec Bernard Cazeneuve, alors en campagne pour l'élection présidentielle, sans divulguer des informations sensibles? En avais-je seulement le droit? Je suis heureux de vous revoir, chère madame. Le temps passe si vite. Oui, en effet, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2008. À l'Assemblée nationale, lors de nos conférences sur le nucléaire, je m'en souviens bien, en effet. C'est exact. Que puis-je faire pour vous? Je dois vous alerter, monsieur. Je vous écoute. Je suis venue vous remettre un document. Le voici. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet d'accord cadre de 2010 entre EDF et la holding chinoise CGNPC. C'est un document confidentiel. Oui, monsieur. Comment en avez-vous eu connaissance? Dans le cadre légal de mon activité syndicale, en tant que secrétaire général du comité européen d'Areva. D'accord. En deux mots, voilà, monsieur. EDF négocie avec la CGNPC, la holding publique chinoise, un accord de développement considérable, notamment autour de la construction en Chine d'une centrale de 1000 MW. La holding chinoise exige en contrepartie de cet accord d'importants transferts de technologie. Donnant-donnant. L'argent contre la technologie. Il est vrai qu'en matière de commerce, les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. C'est un fait établi. EDF et son PDG, M. Henri Proglio, sont prêts à accepter des transferts de technologie. D'autant que les technologies en question appartiennent à Areva. Je ne comprends pas. Areva dispose pourtant de tous les moyens pour protéger sa compétence. EDF est convaincu qu'il vaut mieux perdre un peu de technologie plutôt que de laisser passer un marché chinois qui se chiffre actuellement à plusieurs dizaines de milliards d'euros. En échange, Areva récupérerait certaines commandes de réacteurs, une contrepartie suffisante selon EDF. Nous pensons qu'il est dangereux, monsieur, d'abandonner des intérêts stratégiques français à la République chinoise. Je comprends votre inquiétude, madame, en effet. Le Premier ministre François Fillon a été alerté sur ce point. Il a interdit cet accord. Mais le président Nicolas Sarkozy a invité Henri Proglio à associer Areva à tous ses futurs projets chinois. Et alors ? Nous pensons que monsieur Proglio poursuit des négociations secrètes avec la Chine pour des transferts de technologies qui ne lui appartiennent pas. Vous me dites que nous serions en train de brader des intérêts stratégiques français au profit d'une puissance étrangère dans le seul but de favoriser une entreprise, EDF en l'occurrence. Oui, monsieur. C'est la loi du marché, la concurrence. Ce sujet est de première importance pour notre candidat, madame. Je vais informer François Hollande sur ce point dès aujourd'hui. Votre démarche est courageuse. Je vous en remercie. Bernard Cazeneuve a écrit dans la foulée le 23 décembre 2011 au Premier ministre François Fillon. Monsieur le Premier ministre, cet accord soulève de vives inquiétudes pour l'avenir de la filière nucléaire de l'industrie française. Il appelle de notre part plusieurs interrogations. Le gouvernement a-t-il eu connaissance de cet accord en temps utile? Et a-t-il pu évaluer, notamment pendant les négociations, s'il n'engageait pas trop largement la souveraineté de la France et la maîtrise des technologies les plus essentielles à la filière? Areva sera-t-elle placée demain par son propre gouvernement en situation de concurrence face à une entreprise publique chinoise qui aurait bénéficié de transferts de technologies françaises? Une entreprise chinoise pourra-t-elle demain construire des centrales nucléaires françaises? Ce courrier est resté lettre morte. François Fillon n'y a jamais répondu. Le 6 mai 2012, François Hollande a été élu président de la République. Une image, François Hollande est devenu le 7e président de la 5e République en totalisant 51,6%. J'ai espéré, après la victoire des socialistes en mai 2012 et la nomination de Bernard Cazeneuve comme ministre délégué aux Affaires européennes, que les choses pourraient enfin changer. Alors j'ai écrit à Bernard Cazeneuve. Monsieur le ministre, en tant que secrétaire du comité de groupe européen d'Areva, je vous félicite pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement et vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail. Je vous prie de bien vouloir nous rencontrer d'urgence afin de discuter ensemble des emplois, des compétences et du savoir-faire unique des salariés d'Areva. Nous savons que vos décisions détermineront notre avenir. Plusieurs dossiers stratégiques pour notre pays et notre groupe semblent nous échapper au profit des Chinois et des Russes. Nous renforçons les compétences de nos concurrents et nous fragilisons la filière nucléaire française et les emplois qui en dépendent. Il m'a répondu aussitôt. Il faut que l'on se voie. Vite. Quelques jours plus tard, j'étais face à lui, dans son nouveau bureau, au ministère des Affaires européennes. Maureen, écoutez-moi bien. Vous savez que le secrétaire général du Quai d'Orsay siège au conseil de surveillance d'Areva et au conseil d'administration d'EDF. Oui, en effet. Vous m'avez fait part de vos inquiétudes à propos des négociations secrètes entre EDF et la filière nucléaire chinoise. Vous craignez qu'elles ne se poursuivent. Eh bien, vous aviez raison. Il se trame quelque chose avec la Chine. Je ne suis pas étonnée. Et nous pensons que c'est très grave, très mauvais pour Areva. Il y aurait eu d'autres accords après celui de 2010. Je ne les ai pas vus, mais je sais qu'ils existent. Ils existent, en effet. Nous savons que EDF prépare un réacteur de moyenne puissance qui sera concurrent de celui d'Areva. Il faut vous renseigner, savoir ce que ces contrats contiennent. Interrogez votre président, Luc Courcel. Allez voir Arnaud Montebourg à Bercy. Il faut savoir ce qui se trame. Il faut voir ces fameux contrats. Vous m'avez compris. Je vous ai très bien compris, monsieur le ministre. Mais pourquoi ne faites-vous pas ces démarches vous-même? En tant que ministre, vous auriez davantage de poids qu'une simple syndicaliste comme moi, non? Je souhaiterais dans un premier temps garder toute la discrétion sur cette affaire. Votre engagement syndical sera un signe de transparence. Pourrais-je compter sur votre soutien dans mes démarches? Bien sûr, Maureen. Vous pourrez compter sur les services de mon ministère en toutes circonstances. Et en toute discrétion. Que voulez-vous dire? Ce sont des affaires où nous préférons éviter la publicité. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Je comprends. Je peux compter sur vous, Maureen. Disons que je vais voir ce que je peux faire. C'est important, Maureen. Je vous repose la question. Puis-je compter sur vous? Vous pouvez compter sur moi, monsieur. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai toujours là pour vous répondre, personnellement. Je vous remercie. Je vous raccompagne? Non, ce ne sera pas la peine. Je connais le chemin à présent. Au revoir, monsieur le ministre. En tout, l'entrevue n'aura duré que 15 minutes, montre en main. Je savais qu'il ne resterait pas longtemps aux affaires européennes. Monsieur le ministre n'est pas un fantaisiste, ni un amateur. C'est surtout un ambitieux. Il vise plus haut. Je n'avais plus une minute à perdre. Mais comment faire pour mettre la main sur ces fameux contrats? J'en avais aucune idée. J'ai commencé par solliciter le conseil de celle qu'on a surnommée Atomic Anne, la femme qui résiste. Anne Lauvergeon. À ce stade, elle seule pouvait m'aider. Anne? On me demande de trouver les contrats secrets qui prouveraient la trahison de Proglio. Vous auriez une idée? Qui? Cazeneuve. Intéressant. Je cherche où? Là-dessus, je ne peux pas vous aider. Je sais très bien que ce n'est pas vrai. Pensez-vous que je pourrais demander à mon PDG, le Courcel? Courcel? Certainement pas. Comment voulez-vous qu'il fasse confiance à une syndicaliste? Alors? Vous me promettez que tout cela restera entre nous? Promis juré. Ok. Laissez-moi réfléchir. C'est comme ça que les ennuis ont commencé. Je vous ai apporté des chocolats, Maureen. C'est de la part de votre mari. Et du jus d'orange. Merci. Comment vous sentez-vous? Disons que ça va un peu mieux. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Maureen? Je dirais... Vous ne vous en souvenez pas? J'ai un peu perdu la notion du temps, voyez-vous. Nous sommes le 19 décembre 2012. Ça fait 2 jours que vous êtes là. Et c'est bientôt Noël. C'est vrai, vous avez raison. C'est bientôt Noël. Vous aurez de la visite cet après-midi. Ah oui? Qui? Le capitaine Philippi, de la gendarmerie de Versailles. Qu'est-ce qui me veut encore, celui-là? Tout ce que je sais, c'est que c'est à propos de l'enquête sur le violeur. Je vous jure, si on pouvait lui mettre la main dessus à ce salaud, il passera un mauvais quart d'heure, ça c'est sûr. Quelle ordure celui-là. Quand je pense qu'il se balade en liberté, ça m'écœure. Ils m'ont présenté la chaise, le chapeau, le sparadrap, le couteau. Ils m'ont répété que toutes les traces ADN venaient de moi. Aucune trace extérieure, pas d'agresseur, pas de violeur. Aucun coupable en dehors de moi. Ils m'ont demandé si je me souvenais d'autre chose, un détail, n'importe lequel, pourvu qu'il soit crédible. Je leur ai dit que je ne me souvenais plus de rien. J'ai compris qu'ils voulaient savoir si je mentais, si j'inventais. J'ai dit que je ne me sentais pas bien, que ma mémoire se troublait à cause des médicaments. Pour eux, j'étais la seule coupable. J'avais tout inventé. Je risquais la prison. Mais ils n'osaient pas encore me le dire, les yeux dans les yeux. Suspicion, une série de François Luciani, d'après La syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Avec Marilyn Canto, Charline Nelson, Claire Dumas, Robinson Stévenin, Johanna Nizard, Ariane Brousse, Laurent Lederer, Karina Testa, François Hatt, Teresa Ovidio, Mathieu Béguier et la voix de Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Affaires sensibles sur France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Suspicion, épisode 1, l'agression. Notre invité, Maureen Kearney, le personnage central de cette histoire. Bonjour Maureen Kearney. Bonjour Monsieur Drouel. Un peu plus de 8 ans se sont écoulés depuis votre agression au mois de décembre 2012 et près de 3 ans depuis votre second procès et votre acquittement. Ça, c'était en novembre 2018. Après tout, ce n'est pas si vieux. Alors, je vous pose la question toute simple. 3 ans après être sorti du cauchemar, en tout cas officiellement, comment vous sentez-vous? Aujourd'hui, je vais très bien. J'ai une vie qui me convient, en phase avec mes valeurs. Mon objectif dans la vie a toujours été d'être un être humain bien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être gâtée, même par tout ce que je vis. Je suis enseignante dans une école Montessori. Je travaille avec des enfants maternels et primaires. C'est extraordinaire. J'ai tous mes amis depuis 50 ans qui sont toujours à mes côtés, des nouveaux amis qui sont là également. Avec mon mari, ça se passe bien. Avec mes enfants, ça se passe bien. Je suis dans la gratitude. Et la reconstruction qui est réussie, enfin qui se réussit là, jour après jour, c'est ça en fait? Absolument. Vous avez été aidée par une ou un psychologue après? Ah oui, absolument. De le départ, j'ai été dans la thérapie. Autrement, je n'aurais pas tenu. Oui, bien sûr. Alors, c'est grâce à la thérapie, surtout d'un type de thérapie qui s'appelle Havening, qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années. Et en 2017, j'ai rencontré un psychiatre militaire qui était spécialiste dans le syndrome de stress post-traumatique. Mm-hmm. Et c'est grâce à lui que vraiment j'ai commencé à me sortir la tête de l'eau. Parce que dans ce genre de situation, on peut être victime de douleurs mentales, de douleurs morales. Là, il y a l'agression physique. Absolument. C'est une dimension qui est importante. J'étais brutalisée physiquement, psychologiquement et mentalement. Et j'ai mis des années et des années à avoir une sécurité intérieure. Et c'est que la sécurité intérieure qui peut nous apaiser. Pourtant, il n'y a pas eu de battage médiatique autour de votre affaire, au début. À part le début, pas du tout. C'est vraiment étonnant, parce que c'est assez rare, comme, heureusement d'ailleurs, comme épisode, enfin, on imagine, et on espère que c'est rare. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Moi, je sais que j'avais très très peur pendant des années, que j'avais peur de parler aux journalistes. Donc j'avais dit à mon avocat, s'il y a des journalistes qui appellent, vous prenez leur nom et tout ça, mais là, je ne suis pas en état pour parler à qui que ce soit. Mmh. Il y a eu deux journalistes qui m'ont suivi, qui ne m'ont jamais laissé tomber. C'est Caroline, Michel et Guerre. Sûr qu'on l'entendra dans cette émission, bien sûr. Qui m'a donné une voix. Et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses à travers son livre. Et un deuxième journaliste qui a été à mes côtés, c'est Mathieu Pechberti. Je ne sais pas s'il est toujours à BFM Business, mais c'était quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu également, hein, au niveau journalistique. Et je ne voudrais surtout pas oublier la CFDT. Ouais. Sans la CFDT, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Heureusement qu'elle ne vous a pas lâché, vous êtes syndicaliste quand même. Oui, absolument. Bon. Ils ne m'ont pas lâché, ça c'est évident. Alors, en toile de fond de l'affaire de votre agression, il y a donc un dossier politico-industriel très sensible qui mélange la prétention, l'égoïsme, le goût immodéré du pouvoir politique et l'argent, bien sûr. Celui de la guerre de l'énergie que se sont livrés pendant plusieurs années EDF et Areva. En d'autres termes, Henri Proglio contre Anne Levergeon, parce qu'il y a aussi des incarnations de ces grandes entreprises. L'électricien français contre le géant français du nucléaire. Ambiance. Vous pensiez avoir été vous-même mis sous surveillance de par vos fonctions au sein du syndicat CFDT dont vous vous occupiez et de vos liens avec des ministres dont vous étiez proche comme Bernard Cazeneuve et Arnaud Montebourg. De là à ce que l'enquête se focalise sur vous et contre vous, pourquoi ? Jusqu'à ce jour, je ne saurai jamais. Mais je pensais que c'était pour me décrédibiliser de le départ. J'ai senti dans les premiers jours qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais comme j'étais très très mal, dans la terreur, dans l'angoisse, et on n'arrive pas, comment dire, à analyser ni trouver un sens suite à un trauma. C'est impossible. Avoir une approche rationnelle, c'est peut-être trop tôt encore. Exactement. On ne peut pas avoir c'est ça, reconstruction d'abord et, et plus de lucidité après, c'est ça en fait. Hein. Tout à fait, parce qu'on met des années à trouver un sens. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de sens à ce qui est arrivé. On vous y aide un peu Oh, on m'aide beaucoup. Hein. Bon. Oui. Vous étiez, on l'a rappelé dans le récit, en première ligne donc, dans cette affaire de dénonciation secrète entre EDF et un consortium chinois spécialisé dans le nucléaire. Quel lien et quel rapport aviez-vous avec Anne Levergeon du groupe Areva? Bon, j'étais secrétaire générale du comité de groupe européen. Je dépeins un peu le contexte. Et le comité de groupe européen d'Areva, c'était le seul en Europe à laquelle il y avait deux femmes à la tête, et surtout deux femmes de deux nationalités différentes. Hein. Donc ça, c'était en première. On s'est très bien entendus au niveau professionnel. On était en phase sur l'entreprise, sur les conditions de travail, sur le social qu'on voulait voir dans l'entreprise, sur les conditions de travail pour les salariés. Et c'était quelqu'un qui allait de l'avant. À partir du moment où on avait un projet intéressant à lui présenter et qu'on n'était pas dans la plainte, elle était prête à écouter. Et donc, on a pu faire beaucoup de projets. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'atmosphère chez Areva à l'automne 2012? Comment étaient ressenties en interne les prises de position vis-à-vis d'EDF, de Luc Courcelles, nouveau président d'Areva, en remplacement d'Anne Lauvergeon? On est dans une autre époque, là. On est dans une autre époque, tout à fait. Alors, Monsieur Courcelles et moi-même, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Et nous n'avions pas la même façon de communiquer. Moi, j'avais appris de communiquer. Je suis quelqu'un de très franc, mais respectueux. Monsieur Courcelles avait une communication très dominante. Et donc, on écoutait et on n'avait pas le droit de ne pas être d'accord. Alors, évidemment, avec l'éducation que j'ai eue, je n'étais pas d'accord. Et c'était quelque chose que lui ne supportait pas. Et il y a eu des moments où il m'a même fait de la peine, hein, parce qu'il était dans des telles colères que je me disais, cet homme, on a l'impression qu'il avait un rat à l'intérieur du ventre qui bouffait, qui essayait de sortir. Et je souhaiterais à personne d'être dans la souffrance que moi, j'ai pensé avoir aperçue chez lui, malgré l'agressivité avec laquelle il me traitait. Et vous, la souffrance, c'était quoi? Impossible de dormir la nuit? Comment ça se passait? Après l'agression, je dirais pendant 2 ans. D'accord, mais pardon. Avant l'agression, vous sentiez qu'il y avait comme une tension? J'étais... Le matin, il faut y aller au boulot. Absolument. Quand on sait qu'il y a une tension. Hein. Bah, ça, je n'avais pas de problème pour me lever et pour y aller. Hein. J'ai, combative, quoi. Ah, j'y croyais à fond. Et effectivement, je ne comprenais pas que cette histoire n'était pas prise au sérieux par certains cadres supérieurs de l'entreprise, alors qu'il y avait d'autres cadres avec lesquels j'étais proche, qui, eux, étaient comme moi, qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un transfert de technologie, on a quasiment l'épreuve, personne ne veut entendre. » À quel jeu on joue, quoi ? C'est terrible d'être en face du déni. Bien sûr, parce que vous, en tant que syndicaliste, vous disiez que ce risque industriel, il était aussi un risque social sur l'emploi, absolument. C'est ça ? Absolument. C'est ça qui vous motivait ? C'était les deux, c'était le transfert de technologie, c'est quand même la France, c'est De Gaulle qui a mis en place le nucléaire en France, c'est un sacré héritage qui nous a permis notre indépendance énergétique, et là, on est en train de le brader. Pour je ne sais pas quelle raison, d'après les accords que j'ai pu avoir en main. Donc, la France allait perdre, pour moi, une grande partie de son souveraineté nucléaire. Et ça a recommencé avec Alstom, d'ailleurs. Les turbines sont maintenant aux mains de General Electric. Après aussi, des violences au sein de l'entreprise qu'on a racontées dans une autre fiction. Oui. Parmi les responsables politiques de l'époque, qui aviez-vous alerté? J'ai alerté une quarantaine de députés. Dont Monsieur Cazeneuve, Monsieur Montebourg, j'ai rencontré le chef du cabinet de Moscovici, de François Hollande. Leur réaction, c'était quoi? Alerté? Non, eux, c'était, il n'y a pas de contrat, il n'y aurait jamais de contrat, et je m'en angoissais pour rien. Il n'y avait pas de contrat. Oui. Circuler, il n'y a rien à voir. Maureen Carnet, on va se retrouver dans 3 minutes et continuer à discuter de cet épisode violent et dramatique dont vous avez été la victime. They bite. incarnait dans cette affaire, le nom de celui qui était alors président d'EDF, Henri Proglio, apparaît à de nombreuses reprises. C'est normal, il est au centre du jeu, mais de quel jeu parle-t-on ? Je veux dire, quels étaient les objectifs de ce contrat secret avec les Chinois et pourquoi Henri Proglio y tenait-il autant ? Je ne pourrai jamais répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on vous a fermé les portes de l'information. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Dans les accords sur le transfert de technologie, c'était écrit noir sur blanc qu'il y avait un transfert massif de technologie d'EDF envers CGNPC, qui est une entreprise d'État chinoise. Il y avait même un article que j'ai encore, que je peux vous montrer, avec transfert des data et des données confidentielles dans ce contrat. Donc, évidemment, moi, j'étais absolument abasourdi que de telles choses pouvaient exister. Pourquoi EDF transférait une technologie qui ne lui appartenait pas à l'époque ? Aujourd'hui, cette technologie appartient à EDF parce qu'ils ont acheté ou ils ont repris Framatome. Des années auparavant, en 2011, je disais, la seule façon pour EDF de rentrer dans la légalité, c'est que, ça s'appelait Areva NP à l'époque, qu'ils mettent la main sur Areva NP. Chose faite. Je ne voudrais pas insister sur ce que vous avez vécu lors de l'agression, mais enfin, c'est une affaire humaine. On est dans une affaire humaine. Donc, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui vous reste de ce moment-là? Quand ça revient, à quoi vous pensez? Bon, lors de la garde à vue, j'avais l'impression d'être dans une autre époque. Et je n'avais pas l'impression d'être en France, le pays des droits de l'homme. Mmh. C'était des gouttes d'humiliation, les uns après les autres. J'étais professionnellement en nul. Que tout le monde le savait. Il y a eu deux cadres supérieurs qui ont témoigné comme quoi j'étais très isolée dans l'entreprise. Ça a été cru. C'est un manque de dignité humaine totale. Et quand vous êtes face à des gens qui sont dans le déni, c'est épuisant. C'est un mur, quoi. C'est un mur. C'était plusieurs semaines après l'agression. J'avais perdu 10 kilos en un mois. Et j'avais pas dormi au-delà d'une heure d'affilée pendant tout ce temps. Donc, j'étais pas en état, de toute façon, de vivre 14 heures de garde à vue avec des menaces en permanence et, la peur bleue au ventre. On est dans le pays, liberté, égalité, fraternité. Et il me disait clairement pour qui vous vous prenez. De vous contrer contre les gens contre lesquels vous vous êtes contré. Vous êtes en rien. Et vous passez donc du statut de victime au statut d'accusé. Absolument. Ça, c'est ce qu'on appelle la double peine. Absolument. C'est un sentiment de révolte qui vous envahit. De révolte. Vous vivez avec la révolte, quoi, pendant des années. Des années. Et la peur. Et la terreur. On vit avec la terreur, la peur au ventre. Et on a peur pour nos proches, pour tout le monde. Ouais. Donc, on a pensé que ce que vous pouviez dire était des inventions, des délires. Les enquêteurs vont même jusqu'à interroger votre mari et interpréter ses réponses afin d'appuyer leur thèse. Absolument. Est-ce que vous avez l'impression que, contrairement à la justice qui fonctionne sur le principe de la présomption d'innocence, vous étiez avec les gendarmes sur le principe de la présomption de culpabilité? Mais il n'y avait pas de recherche de la vérité. Dès que je suis rentrée dans le bureau, ils m'ont dit qu'ils ne croyaient pas un mot de ce que je racontais et que j'avais tout inventé. Donc je n'avais pas de réponse. Je n'ai pas de mots pour décrire la terreur qui vous prend. La terreur, c'est le mot ? C'est la terreur. C'est très fort le mot, il n'y a pas plus fort que ça. C'est la terreur. La terreur. Oui. Ouais. C'était un orage dans ma tête. Et je criais, mais dans ma tête. Et personne n'entendait. Personne. Il y a eu des pressions sur l'enquête ? Selon vous? Et de qui? Je ne sais pas. Moi, je... C'est ça aussi la douleur, c'est aussi de ne pas savoir. Absolument. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? Oui, absolument. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tout à fait. Bon, le temps est souvent son meilleur allié quand on a un traumatisme. Oui, mais Moi, ça a continué en permanence. Parce qu'il y a eu le premier procès qui a été absolument atroce. Là, il n'y avait aucune présomption d'innocence. 2 secondes où le juge est rentré, j'étais coupable. Ouais. Et j'ai revécu l'agression lors du premier procès. Ouais. Et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et donc, quand je disais que le temps était notre meilleur allié, quand il y a un traumatisme comme ça, ben le temps, je pensais à celui d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, oui. En 2021. Le temps a fait son œuvre, bienfaitrice, on est d'accord. Et le fait que j'étais acquittée du lit là, évidemment. Imaginaire. Évidemment. Jusque-là, la construction que je menais, c'était pas abouti. Et c'était une fois acquittée que là, j'ai vraiment recommencé à totalement reconstruire. Bien sûr. Merci infiniment, en tout cas, Maureen Carnet, d'avoir répondu franchement à nos questions parfois intimes et personnelles. Mais je le rappelle, c'est un drame humain avant d'être un drame industriel, cette affaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Demain mercredi, suite de notre série, donc avec les épisodes 2 et 3, puis jeudi, l'épisode 4, avec maître Hervé Thémine, qui fut votre avocat, Maureen, dans le procès en appel en 2018, où vous avez enfin été acquitté. Et vous, Maureen Carnet, nous vous retrouverons à la suite du dernier épisode de la série vendredi en compagnie de Caroline Michel-Aguirre, grand reporter à l'Obs et surtout auteur du livre La Syndicaliste, paru en 2019 chez Stock et dont nous nous sommes inspirés pour écrire cette fiction. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, premier épisode de la série Suspicion, une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Cédric Ossir. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Rebecca Denante et réalisée par Anne Mioro. Programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet et Julien Chabassu.